بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس لو كان كلمات ما معنى خاتمة؟ نعم إرفاق جمال نعم إضافة وضع حال تغيب يتغيب تغيبا سبسنتي نعم واش تابي دي ل... dans le درس de dans le درس sur le خدمة de la femme qui et ben là c'était quoi nursery ouais. Je pense que c'est nursery maternité qibala voilà. Puisque le fait qu'elle soit une sage-femme ثم حرر موقر inspectif نعم محترم comment on dit un journal Jalida, non, Sahifa, Jalida. Comment on dit quelqu'un de qualifié pour quelque chose, diplômé? Mouhawil, Mouahil. Mouahilo. Mouahilo. Comment on dit une évaluation, une note? Taqdir. On a trouvé le fil la Zibardaou, on a ce mot au doigt. On a fait. الخطابات لكن الآن شخصية لست رسمية pour les choses officielles et là c'est les personnels طيب معنى الوريد حبل الوريد c'est la veine jugulaire تمام خاطية يخطى معنى نال وحصل على fait d'obtenir fait d'obtenir. طيب. رسالة من أبين إلى ابنه. La lettre d'un père vers son frère, vers son fils plutôt. La lettre d'un père pour son fils. Akada. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله أن تكون بخير وصحة. Donc j'espère d'Allah que tu sois dans le bien et en bonne santé. Et nous sommes par la louange d'Allah dans le bien et afia, mais aussi également bonne santé en fait. Amma ba'd. Fa'usika ya bunayya. Non, c'est Bunayya. Il a écrit Binayya. C'est Bunayya. Avec un tasrir de Ibn. Bitaqwallahi fi sirrik wa alanik wa in turaqibahu fi kawlik wa fi'alik. Donc je t'exhorte, ô mon cher fils, Osika, min al wasaya, la crainte d'Allah. Fissirik, c'est-à-dire secrètement en toi, ou à ananik, extérieurement, ou un turaqibahu, fikolik, ou fi'alik. Et que tu saches, muraqaba, c'est le fait que tu saches que Allah t'observe. C'est-à-dire, tu fais attention à ce qu'Allah t'observe dans tes paroles, dans tes actes. Aza yatru fi ibabada, min maratib al-din, al-ihsan. Naam. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ نُوْ يَرَاكَ كَمَا ذَكَرْ Car si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. فَوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ Car il est plus proche de toi que de ta veine jugulaire. هَلْ مَعْنَا إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فِي هَذَا Ça veut dire qu'Allah est avec nous. بِعِلْمِ نعم. إِنَّ مَحَاسْنِ الْأَخْلَاقِ يَا بُنَيَّ قَوْلٌ وَعَمَلٌ Il a dit, certes, les bons les nobles caractères, ô mon fils, sont les paroles et les actes. Paroles et actes. فَأَمَّا مَحَسْنِ الْأَخْلَاقِ فِي الْقَوْلِ فَيَأَنْ تَزْدُقَ فِي حَدِيثِكَ مَعَ النَّاسِ. Donc il dit, maintenant, les nobles caractères dans les paroles, c'est le fait que tu sois véridique dans tes paroles avec les gens. وَلَا تَكْذِبْ وَإِنْ مِنْ أَخْتَرِي الْأَمْرَادَ الَّتِي تَدُرُّ بِشَخْصِيَةِ الْمُسْلِمِ الْكَذِبْ. Et que tu ne mentes pas, car parmi les choses les plus nuisibles, plus dangereuses, comme maladie qui porte atteinte à la personne du musulman, c'est le mensonge. بِجَمِيْ أَشْكَالِهِ وَأَلْوَانِهِ. Sous toutes ses formes. La alwani, c'est toutes ses couleurs, mais nous en français, on dira sous toutes ses formes. أَشْكَالِهِ. وَإِنَّ مِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فِي الْعَمَلِ صِدْقَ الْأَدَاءِ مُطَابَقَ عَمَلِ الْخَيْرِ لِنِيَّةِ الْقَلْبِ مُطَابَقَةً تَتْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَرِضَاهُ. Donc il dit, et parmi les nobles caractères dans les actes, le fait d'être véridique dans l'accomplissement des actes de bien avec une bonne intention dans le cœur. Taïeb, cela en application, ou plutôt par désir, de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. وَتَرْجُو بِهِمَا رَحْمَتَهُ وَغُفْرَانَهُ. Et donc tu souhaites par ces deux choses, c'est-à-dire le sidq fil aqwal ou fil a'mal, toi-même, la rahmat d'Allah et son pardon. فَإِذَا أَخْلَصْتَ الْقَوْلُ وَالْعَمَلِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى اسْتَطَعْتَ أَنْ تَخْتِيَ بِرِضَى اللَّهِ وَحُبَّ النَّاسِ. Donc si jamais tu es sincère dans tes paroles et dans tes actes pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu pourras obtenir l'amour, l'agrément d'Allah et l'amour des gens. وَإِنْ تُحَقِّقَ مَا تَأْمُلُهُ وَتَزْبُو إِلَيْهِ. Et tu pourras réaliser ce que tu espères. وَلَدِ الْعَزِيزِ. Ah, c'est le jawab, c'est le jawab, ça. Là, c'est toujours lui. Mazel Waladil Aziz. Anta ta'alam anna juhudaka. Oh, afouen. Anna juhudaka. Indi yusahilu alayya kathira min umur al-hayat. Oh, tu sais que ta présence auprès de moi facilite beaucoup des choses de la vie. Fa anna a'tamid ba'd Allahi alayka fi injaz al-amal wa iktisab al-risq wa ri'ayat al-usra. Car moi, je me base sur Allah. Plutôt, je me base sur toi après être basé sur Allah, on dira comme ça, dans l'accomplissement du travail et dans l'obtention de la subsistance du risque, quand même, et la prise en charge de la famille. Ra'ayat al-usra, c'est la prise en charge de la famille. Wa rahm dhalika faqad arsaltuka fi talab al-ilm li ta'uda ilayna. Et malgré cela, malgré cela, on dira comme ça, je t'ai envoyé pour talab al-ilm, pour que tu reviennes vers nous et que tu propages la science au milieu des gens. Et que tu leur enseignes ce qu'ils ignorent. Et que tu répondes à ceux qui t'interrogent. Et que tu leur fasses, tu leur donnes des jugements religieux dans la religion et que tu les présides dans la salat. Fa'akbil ala l'ilm ya bunayya yuwafiqaka Allah wa yuslih halak. Donc consacre-toi à la science, ô mon cher fils, Allah t'accordera le succès et réformera ta situation. كل الأهل والجيران كل الأهل والجيران والأصدقاء بخير ويبحثون بتحياتهم وأمنياتهم الطيبة إليك. Donc toute la famille ainsi que les voisins ainsi que les amis sont dans le bien et t'envoient leur salutation, la bonne salutation. ويدعون لك بالتوفيق والنجاح. Et qu'ils invoquent pour toi pour la réussite et le succès. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliduka Ali Ibrahim Bukhari. Tayyib. Ah. هذه رسالة طيبة. هذا أب موفق. Ce genre de père que s'ils étaient plus nombreux, يا أخي, la Ummah sortirait beaucoup mieux. بفضل الله تعالى. Un père qui encourage ton fils à talab al-ilm et qui condamne cela, la science, à la dunya. وَقَلِيلٌ مَاهُمْ. Ils sont très peu, ces pères-là. Normalement, les pères, ils t'envoient en Amérique, ou en Angleterre, ou en France, pour aller étudier à la Sorbonne, ou à Oxford, ou à je ne sais où comme université, pour revenir être un docteur, ou être un architecte, ou être un ceci ou un cela parmi les choses de la dunya. C'est pas haram, mais ils sont prêts à te faire tomber dans le haram pour obtenir cela. C'est ça qui est haram. طيب نخص بعض الإعرابات. أولا قال رسالة من أبين إلى ابنه. أبين. Pourquoi là c'est pas مُعْرَب avec le ya? Parce que ab من الأسماء الخمسة. Pourquoi là c'est y a pas de ya? C'est quoi les shurud de l'asma al-khamsa? Il y a 4. D'accord, ok. Et là, il manque un short, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas... Il n'est pas Moudaf. Ah, ouais, parce qu'il n'est pas Moudaf. Comme si tu te rappelles des shurud de l'asma al-khamsa? Il n'y a qu'un mufrad, ce n'est pas un jam ou un mufanna. Il faut qu'il soit réduit, qu'il soit mukabbaran. Mukabbaran. Voilà, musagharan, ce n'est pas ism taskhir, comme ubayi. Salen. مضاف الى غيري يا متكلم نعم احسنت طيب يقول فوق فاوصيك يا بني ما يا بني يا بني منادى نعم Et c'est quoi son élément faux, il est quoi? Munada et Daksan. Il est quoi lui? Celui-là, c'est un. Non, c'est les mamies. Mamies? C'est lesquels les mamies, Munada? Il y a. Moufrad al-Alam. Moufrad al-Alam. Laquelle Marsouda? Taïb, ça, c'est rentre dans l'un des deux. Celui-là, c'est un quoi? Celui-là, c'est un... Ounaïya. C'est un moudaf. Avec un yamutakallim. Ouais, le moudaf, c'est quoi son jugement dans le nida? Le mansoub. Le mansoub. Naam. Ah, va. طيب أحسنت بعد وأن تراقبه في قولك وفعلك أن تراقبه ما يعلم أن تراقبه أن تراقبه أن حرف نصب حرف نصب ومصدر مستقبل نعم نعم مبني على ماذا؟ مبني على السكون أحسنت ترافق تراقبه تراقبه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الضمة ظاهرة على آخره والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به نعم طيب في قوله إن محاسن الأخلاق يا بني قول وعمل أين خبر إن خبر إن اسمنا محاسن أين خبر إن قولون معملون نعم قولون فقط عملون سي معطوف أحسنت ولا تكذب ما يعرب ولا تكذب لا نفية وتكذب لا نافية لا نهية ناهية جازمة مبنية للسكون لا محل له من يعرب تكذب شي خطأ تكذب تكذب تكذب ما في فتحة ولا تكذب c'est quoi l'arabe takzib c'est majzoum c'est fi'l mudari' majzoum bila nahiya ma'na majzoumiyya sukun dakhil 'ala wa inna min akhtar al amrad allati tadurru bi shakhsiyyat al muslim al kadhib bi jami' ashkalihi wa alwanihi ayna اسم إن في هذه الجملة الكذب الكذب أحسنت الكذبة هو اسم مؤخر إذن وإن من محاسن الأخلاق في العمل صدق الأذى ومطابق عمل الخير لنية القلب إن اسم إن هنا نعم وما يعلى مطابقة تحت محطوف على ماذا C'est-à-dire quoi application. Ah. Tu appliques cette nia quoi. Maïrab Moutabakatan. Là. أنا أظنه تمييزا تطلب بها وجه الله ورضاه ما يعرب رضاه معطوف على ماذا معطوف على ماذا؟ كالكلمة وجه الله وجه نعم معطوف على المفعول مفعول به طيب اذكر يا رب معطوف منصوب نعم على منصوب به نعم الفتحة أو الظاهرة المقدرة التعذر نعم ومضاف كذلك أنت تعلم أن وجودك عندي يسهل علي كثيرا ما يعرف كثيرا فاسلت بكو Attends, c'est où? C'est où ce que je veux commencer? C'est où? Bonjour, c'est un. C'est un halal, non? Non, c'est un halal. Ou à la même phrase, Anta ta'alam, Anna wujoudaka indi yusahilu alayya kathiran. Anna wujoudaka, wujoudaka ism Anna. Ina khabar, Anna. أين خبر أن كلا مير وقال الفراز أنت تعلم أن وجودك عندي يسهل علي كثيرا من أمور الحياة. المن اسم إن أن سي وجود. Donc le khabar il a forme de quoi de cet wujud? Cet wujud, qu'est-ce qu'il apporte? Tu sais ce qu'il apporte ou tu as trouvé le khabar? Aïe, ah, donc c'est la jumla fi'aliya. Yusahilu. Il y a la forme de quoi? Du ism ou du mutada. Ça trouve l'ism ou le mutada. Le khabar, il est pour l'informer de ce ism ou du mutada. Ah, parce que j'ai vu un fi'l, je me suis dit. Ah non, le khabar, il peut être jumla fi'liya. Zaydoun, Ja'a. Ja'a, ça va être quoi? Ça va être un khabar. Voilà. Les ahkam du ism inna, c'est les mêmes que les ahkam du mutada, le khabar, par rapport au ma'na, au sens. Et que son khabar, ça peut être les mêmes formes. Mufrad, ou jumla, ou shibh jumla. C'est juste yusahilu alayya. Yusahilu. D'accord. Le fi'l avec le fa'il, mustatir. طيب ورغم ذلك قد ارسلتك في طلب العلم لتعود. ما يعرف بتعود؟ لم لكي لم تعليل. C'est quoi حرف الجر؟ C'est ça qu'on a dit là. Il est déjà arrivé, inchallah. تم تعليل نعم تعود فعل مضارع منصوب بأن المنمرة جوازا نعم علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أحسنت وتعت كل الأهل والجيران والأصدقاء بخير ويبحثون بتحياتهم وأمنياتهم الطيبة إليك. ما يعلم كل. كل. المرفوع. مبتدأ. وين الخبر؟ أين الخبر؟ بخير نعم أحسنت بخير خلاص نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله le prochain vers ça sera sifat ibad al-rahman c'est un verset de sourate al-furqan ou plutôt plusieurs versets que du coran نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين